j'ai de belles vues. Et t'auras d'autres clans d'eau, crâne d'arrêt pour en extraire le pus. La belle sape, bon goût le sud, les poils sont bagou. Les mafieux du Var, le verre de trop, les poilus. De guerre mondiale, un titre de champion collabo. Un maréchal et six fiches, œil de verre et poireaux. Les soldats disparus, les tirailleurs inconnus. Les partis politiques aux prox, aux gauche, droite, libéraux. Une révolution, les droites, l'homme plein de pognon. Un hologramme à Matignon, pète-vous les poignées de main. Cinq républiques, trois Napoléons, une démocratie. 3 millions d'étrangers parqués dans une poignée de main. Une France symbolique, un flic, un flec, des vies symboliques. Un sous-sol plein d'espoir, un social symbolique. Un arabe au trésor, 2600 au cachot. Donc, une couleur de plus au drapeau. Allons enfants de la patrie et de rapatrier. Le jour de gloire est arrivé pour ceux qui se mettent à crier. Une couleur de plus au drapeau. Une couleur de plus au drapeau. Contre l'eau de la tyrannie, faut consentir mon gadjo. L'étendard sanglant se lève pour stopper nos sanglots. Une couleur de plus au drapeau. Une couleur de plus au drapeau. Rage, prends les armes, faut que tout crame, stop on drame. Frappe fort, fais des flammes, smack à dame. Faut qu'on crame, se révolter sans état d'âme. Baillonner tous ces infâmes, libérer la liberté. Imposer ce que l'on clame. Finistère, soyons hostiles sur la Bastille. Patrie, insoumis aux prises de la Bastille. Bataillon vêtu d'aillon, assoiffé de médaillons. Aucune faille sur le maillon, mouillons le maillot de la rébellion. En avant sur le front, fonce, peuple du béton. La fin doit te porter jusqu'aux portes de l'émancipation, brise les chaînes du silence. Donne sens à ta vie, sacrifie sans regretter. Bâtis pour ta descendance, bats-toi pour ta France. Celle qui s'en bat les couilles, brandit le drapeau, représente sous le son des corps. Trop de cœurs sont tombés, trop de corps ont flambé. Bats-toi pour les tiens et va de l'avant sans trembler. Allons enfants de la patrie et de rapatrier. Le jour de gloire est arrivé pour ceux qui se mettent à crier. Une couleur de plus au drapeau. Une couleur de plus au drapeau. Contre l'eau de la tyrannie, faut consentir mon gadjo. L'étendard sanglant se lève pour stopper nos sanglots. Une couleur de plus au drapeau. Bâti pour ta descendance.